rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hola, bon dia à la planète. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le dernier jour de février. Ah ouais, peut-être en vacances, peut-être au boulot déjà comme José, Stéphane qui nous écoute sur le 96.2 FM. On vous souhaite une très très bonne matinée. J'espère que vos week-ends s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans Facebook. Allez-vous tenir pour les accros comme moi par exemple, comme Katia aussi, comme Joe aussi qui est connecté. Il dit moi je suis fan de Facebook et je vais avoir du mal toute la journée. En tout cas, vous pouvez nous appeler ce matin 02 38 43 48 00. C'est le numéro de standard. Et puis il a fait beau ce week-end, du soleil un petit peu partout sur toute la France. Et justement, on va démarrer avec du soleil et dans ça tout l'été. Voici le meilleur des souvenirs avec Genos. Radio Soleil, dès 7h, avec Francky. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start? boum boum, ça on adore le matin pour vous réveiller. Firework, le feu au boulot ce matin, bah ouais, hein. Pas facile le lundi, en plus ça caille ce matin, hein. Moins un, et par contre le soleil sera bien là. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que le soleil va dominer tout au long de la journée. Il va le faire beau aujourd'hui, il fait frais ce matin. On a démarré à moins 2 quand même, hein, et on va atteindre les 13 à 14 degrés pour ce lundi, pour bien démarrer une nouvelle semaine de boulot, ou alors une semaine de vacances. Bon courage, si vous venez d'arriver, Kinvé qui arrive et Insomnie sur Radio Arc-en-Ciel. Je ne fais que songer avant d'aller me coucher. Pour moi, les ennuis commencent. Dans le lit, je danse seul face à mes pensées. Un peu de peur et de peine, c'est toujours la même rengaine. Je suis seul face à ces silences. Quand les idées s'élancent, elles m'empêchent d'avancer. Je cherche à mettre en veille mes pensées qui s'en mêlent, me privant de sommeil. Mais je ne peux combattre mes démons fort au-delà. Plonger, ne plus me ronger dans les bras de Morphée. L'heure tourne, mais moi je ne peux toujours pas fermer les yeux. Même si je suis fatigué, mes pensées me hantent et me tiennent éveillé. Je cherche à mettre en veille mes pensées qui s'en mêlent, me privant de sommeil. Mais je ne peux combattre mes Insomnie sur l'Arc-en-Ciel, 7h12, et c'est vrai que beaucoup de gens sont atteints, de personnes en France sur l'insomnie. Ah ouais, c'est pas facile de mal dormir. Hein. On est avec vous, Francky, jusqu'à 9h. Et puis aujourd'hui, les masques ne sont plus obligatoires dans les lieux où on peut être vacciné, où on doit être vacciné. Le pass vaccinal est obligatoire dans certains lieux. Eh bien, le masque ne sera pas obligatoire dans ces endroits-là. Voilà, ça, c'est la bonne nouvelle pour bien démarrer ce lundi 28 février. Le groupe que j'adore et le titre que j'adore, voici U2, Where the Street and Your Name. Belle journée et bon petit déj sur la radio Arc-en-Ciel. Oh, 48 43 48 00, c'est le numéro du standard, histoire de bien vous réveiller avec la bande à Bono, YouTube, Where the Street and You Name. 7h16, un peu de soleil ce matin avec les Bordelais de Jimmy Ayaman ou le meilleur des 2000. Avec les Martiniquais, Jimmy Ayaman. Ils sont de Bordeaux, les mecs, hein, les années 2000. Le meilleur des souvenirs. VIP et joyeux réveil. Rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Joyeux Noël. Joyeux réveil, comme si je vous disais joyeux Noël. Et il sera avec nous au téléphone demain à 8h du mat. Vous le connaissez? Ah ouais, c'était bon ça à l'époque, hein. Même toujours, d'ailleurs c'est le titre le plus joué dans toutes les soirées en France. Que ce soit les mariages, les baptêmes, les anniversaires, même dans les boîtes de nuit, on le joue encore. Mon poteau, Chris Anderson, qui sera avec nous au téléphone demain à 8h. Le roi du Madison, et il cartonne avec ce titre depuis 20 ans. Imaginez-vous, 20 ans qu'il joue ce titre, qu'il a recréé cette reprise avec Last Night et DJ Robbie. Et bien mon ami Chris Anderson sera avec nous depuis Paris au téléphone. Bah ouais, parce que c'est pas facile de prendre la route quand même tous les matins. Hein. En tout cas, on va l'accueillir demain matin avec plaisir. Le meilleur des souvenirs pour bien démarrer cette matinée. Hello, Heartbeat on Fire, Boogie Boogie Wonderland. Bon réveil et belle journée. pour danser le disco dès le matin. Et Urban on Fire, courage à vous si vous venez d'arriver de la radio. C'est Francky en direct. Heureux d'être là. Je voulais faire un petit clin d'œil ce matin, dédicacer cette émission à mon ami Polo, qui je suis sûr m'écoute très fort même. Salut mon Polo, c'est pour toi ça. Tony Carrera. Agora que eu acredito que te posso esquecer, agora que eu me permito começar a viver, agora que eu já aceito que não estás mais aqui, agora que eu já não morro a cada dia sem ti. Agora a dor já não dói da cicatriz que ficou. Agora que eu já consigo voltar a sorrir. E acredito que já não resta nada. Tony Carrera dédicacé pour José et un petit clin d'œil à mon ami Polo. On pense à toi mon ami. 7h27 minutes. Vous êtes peut-être encore dans la chambre. Et là, c'est Nikiya, mais on adore. Porque quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste. Y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando I'm so Nicky Yam sur Radio Arc-en-Ciel. 7h30, la météo aujourd'hui, le ciel est plutôt ensoleillé, c'est la bonne nouvelle. La météo. La météo pour aujourd'hui sur Saran, Olivet, Saint-Jean-de-Bray ou encore Fleury-les-Aubrais. Le ciel sera ensoleillé tout au long de la matinée. Ça, c'est la très bonne nouvelle. C'est vrai que ça caille un petit peu ce matin. Moins 2, moins 3 degrés ressentis à Fayolloge ou encore Main-sur-Loire. Et les températures vont dépasser quand même les 13, voire 14 degrés. Retour de la pluie, si je me trompe pas. Ça sera à partir de mercredi. Week-end pas terrible. Le beau temps devrait revenir ce dimanche, voilà, du son carré pour bien vous réveiller tout en douceur. Faut pas trop vous bousculer le matin. Bah oui, normal, avec cette belle reprise qu'on adore. Voici Emily Shades. Puisque ton cœur ne roule plus comme autrefois, même si l'amour, je crois, ne se dit pas. Et puisqu'il faut parler, écoute-moi, je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme, mon âme et ma voix, si fragile le fleur au bout de mes doigts, dérisoire à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Sin ti no aguanto más. entiendo que por no morir lo intenta y lo hará hasta el final. Mi corazón me pide más. Minutes. Salut Joël qui est connecté, qui nous écoute depuis Olivet. Belle journée Francky, je suis dans la voiture. Ouais, j'écoute sur le net Radio Arc-en-Ciel, vous pouvez nous écouter. Hein. Vous tapez sur le moteur recherche Google Radio Arc-en-Ciel Orléans et vous nous avez en live pour Stéphane qui vient de se réveiller aussi. Voici la belle Minelli et Ram Pam Pam, la French version. Belle journée. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. Well, everything for me. Tu m'as bien ciblé. Yo, ram, pam, pam. Tu as tiré de moi que je demande. Yo, ram, pam, pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Yo, ram, pam, pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé. Yo, ram, pam, pam. Tu as tiré de moi que je demande. Yo, ram, pam, pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Yo, ram, pam, pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see. Don't wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see. Our love was just a fantasy. On me. You play me like nobody. When you were everything for me. Tu m'as bien ciblé. Yo, ram, pam, pam. Tu as tiré de moi que je demande. Ram, pam, pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Yo, ram, pam, pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé. Ram, pam, pam. Tu as tiré de moi que je demande. Ram, pam, pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Yo, ram, pam, pam. Je t'aime et qu'on m'en fout, dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. My soul is hollow, I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow, I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I. Tu as tiré de moi que je demande. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi. Minelli, la version French Touch avec Ram Pam Pam. Pas compliqué les paroles, hein. Sympatoche de vous retrouver ce matin. Ouais, sympatoche, c'est un mot de 84, ça. 7h40 en direct à la radio, c'est Francky. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ah ouais, trop tard pour vous peut-être. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans Facebook. Allez-vous résister à la tentation, hein? This is the question. Et ben justement, Polo qui me dit trop tard. Je viens de me connecter. Départ pour l'Allemagne dans une heure et ne peux pas écouter aujourd'hui. Belle semaine à toi, Francky. Bises. Bises, mon Polo. Merci d'être là ce matin. Et comme tous les matins, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Stéphane qui nous écoute aussi. Et puis Christelle aussi. Trop tard aussi, mais au taf. Impossible donc d'écouter Facebook. Belle journée et belle semaine à toi, Francky. Voilà, bah belle semaine, belle journée. Bon réveil sous le 96.2 FM avec Enrique et Iglesias. Salut à Sir Mambo. Enrique Iglesias.

7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Yeah, you wanna know? Act just like you know. Ooh, whoa, whoa, you just ought to know. Ooh, yeah. When you're feeling down and low, and you need a place to go. Oh, You gotta know where. Just let me know. Quel souvenir en boule à facettes, 1984, les Fat Larry's Band, Like You Know. Bonne journée aujourd'hui, c'est le dernier jour de février, hein. On va profiter, hein, peut-être en vacances, en mode radio arc-en-ciel 96 FM. On est en direct ce matin, vous êtes profité dans la radio. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et justement, si vous aimez dormir, eh bien, ça tombe bien, parce qu'il y a une société en France qui recherche un testeur de matelas pour dormir pendant 3 mois, et c'est rémunéré à la hauteur de 1 600 € par mois, c'est plutôt pas mal. Il faut juste faire une petite vidéo de démonstration, l'envoyer, et puis peut-être que vous serez sélectionné pour dormir et être payé à rien faire. Pas mal comme job, hein. 3 mois ça dure. Bon courage et bon dodo à tous si vous venez d'arriver du côté d'Orléans avec des Magic Systems qui arrivent. La vérité, hein. Magic System, c'était en 2004 avec Chéri Coco et Soprano. Belle journée à vous si vous êtes arrivé du côté d'Orléans. Et bien aujourd'hui, bonne nouvelle, hein. Ça y est, les masques ne sont plus obligatoires dans les lieux où le pass vaccinal est demandé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah, par exemple, les restos, vous allez au resto, etc. Vous allez en boîte, c'est pas obligatoire. Et bien maintenant, le masque, eh bien, il est pas obligatoire. Si vous avez le pass vaccinal, bien sûr. Heureux d'être là, c'est Francky. Frankie dans la radio, bientôt 8h si vous venez d'arriver du côté d'Orléans avec Caméléon. Non, non, non. Bah si, 8h du mat, salut à tous, c'est d'arriver du côté de Saint-Jean-de-Bray. Pascalou qui nous dit salut Francky, belle journée, un peu de soleil aujourd'hui, bah justement le soleil est au rendez-vous, ça est une bonne nouvelle. La météo. La météo aujourd'hui, bah, ça caille un petit peu ce matin, hein. Couvrez-vous, c'est même gelé, hein. Moins 2, moins 1 degré sur Pithiviers, Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Fleury-les-Aubrais. Le soleil va faire son apparition et ça tout au long de la journée, profitez-en parce qu'après la semaine ça va pas être terrible et on va dépasser les 13 voire 14 degrés. Francky dans la radio jusqu'à 9h pour vous servir, bah oui, avec Lazara qui arrive et on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Tu t'en iras, pas tout de suite, moi je suis là jusqu'à 9h, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin après avoir passé un bon week-end, peut-être vous aussi. Appelez-moi 02 38 43 48 00. Même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans douter, même sans douter, je dirais que tu ne m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais. J'ai broyé du noir à force de redouter. plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras. Avec Lazara sur Radio Arc-en-Ciel, heureux de vous retrouver, c'est Francky dans la radio. L'horoscope pour aujourd'hui, que vous soyez bélier, taureau, quel est votre signe? Eh bien, la réponse en images et en couleurs. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope pour ce lundi matin, dernier jour du mois de février. Vous êtes peut-être en vacances, eh bien, belle journée, bon repos. On démarre avec les béliers. Votre vie de couple sera agréable aujourd'hui à condition de vous laisser aller et de faire confiance à votre partenaire. Les taureaux, vous devez procéder par étapes. Commencez par ralentir le rythme pour profiter pleinement du présent. Les gémeaux, quelqu'un dans votre entourage pourrait chercher à vous mettre des bâtons dans les roues aujourd'hui. Les cancers, en famille, tout va bien. Le ciel est au beau fixe. Vous prendrez de bonnes résolutions. Ben voilà, des bonnes nouvelles pour les cancers. Les lions, vous saurez adapter de l'originalité dans vos relations amoureuses. Les vierges, vous portez un regard trop sévère sur votre partenaire. Ménagez-vous. Les balances, les relations avec le conjoint sont placées sous le signe de projet aujourd'hui. Les scorpions, vous voudrez tout planifier et vous ne laisserez rien au hasard. Les Sagittaires, la vie quotidienne et les circonstances semblent dynamiser votre couple. Les Capricornes, votre couple entre dans une période calme et sereine. Les Verseaux, votre générosité pourrait attirer des profiteurs, alors méfiez-vous. Les Poissons, vous ne serez pas d'humeur à supporter les caprices de votre partenaire. Ah ouais, pas facile aujourd'hui hein, pour les Poiscailles. 8h06, Nicky Jam qui arrive à la main. On vous souhaite une bonne journée et un bon petit déj sur la radio couleur. En direct, c'est Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Suena un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Dile a novia, siento tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Dile a novia, siento tuyo. Que eres una porquería. Ven caliento. Frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita no te dice nada, y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que el que trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, a mí tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía. Nicky Guillaume. Je fais bien, hein. Quel mec, quel chanteur surtout, et que des tubes. Franchement, j'étais en train de me mater les playlists là sur internet de Nicky Guillaume. Il y a pas une daube. Il y a que de la bombe. Heureux d'être là, c'est Frankie dans la radio. Ce petit clin d'œil aujourd'hui, cette émission pour mon ami Polo. Voilà, je voulais lui faire un bel hommage à mon ami. Salut mon Polo, on t'aime. David Guetta qui arrive, le meilleur des souvenirs, c'est en 2000 avec Money. Courage à vous, 8h10 si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers. Vous êtes bien sur le 96.2 FM. Aujourd'hui, il va faire beau. Ça, c'est la belle chose. Et en plus, c'est la journée mondiale sans Facebook. Est-ce que vous allez tenir? Eh bien, appelez-moi 02 38 43 48 00. Voici David Guetta sur Radio Arc-en-Ciel. my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be John. Ah ouais, quelle voix avec Beyoncé là. Perfect ce soir. On est heureux de vous retrouver. 8h17 et demain il sera avec nous au téléphone. Bah vous connaissez ça. Bah oui. Forcément, vous avez dansé là-dessus dans un mariage, dans une soirée. Il n'y a pas un DJ qui démarre ses soirées d'anniversaire ou de mariage ou de baptême ou soirée dansante avec ça dans les bonnes soirées de bal, etc. Dans les guinguettes aussi, puis même dans les discothèques encore. Hein. DJ Robbie, Last Night, Chris Anderson sera avec nous au téléphone depuis Paris demain. Vers 8h, ne ratez pas l'interview du roi du Madison et ça dure depuis plus de 20 ans. Imaginez-vous comment il l'a créé, comment il a fait ça. Et combien il touche, tiens, par rapport à ça, hein. Ça fait maintenant que ça tourne en boucle partout, hein. Last Night, Chris Anderson, demain matin, au téléphone avec nous depuis Paris. Ça va être un très bon moment. Allez, tchou, allez, tcha, Flamel, and Neto qui arrive. Belle journée et bon réveil. Yeah.

Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Soleil sera là toute la journée jusqu'à 13-14 degrés. Et cette fille, je l'adore. Elle s'appelle Sarah H. Plein de reprises françaises. Là, elle reprend Rec, Un Paso de la Luna. C'est Sarah H. Et c'est sur Radio Arc-en-Ciel, la version française. Je regarde le ciel et je braille une étoile. Il est encore temps que nos corps se dévoilent. Ne sois pas timide, non, il n'est jamais trop tard. C'est trouvé, c'est sûr, il n'y a pas de hasard. Tu te sens bien. Et tu sais autant que je sais que si je reste, tu resteras près de moi. Tu sais que tu as eu tort. J'espère que tu as des remords, que tu ne feras plus l'erreur de nous séparer. Tu sais que tu as eu tort. J'espère que tu as des remords. Je ne veux plus jamais y penser. Non, je sens qu'aujourd'hui il faut vivre au présent. Je ne veux plus gâcher mes sentiments. Ce qui m'importe c'est maintenant. Quand je me réveille je suis heureuse. Je voudrais profiter de chaque instant. Sortir et danser, profiter vraiment. On n'a qu'une vie, on n'est plus des enfants. Tu te sens bien à deux pas de la lune. Fais-moi confiance quand je dis que moi je crois en nous deux. Quand je pense à toi je souris. Ton regard est dans mon esprit. Avec le temps je me perds complètement. Avec toi, oh, oui, je ne pense qu'à ça, oui, qu'à ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils pourraient bien dire? Je sais que pour eux, on est trop différents. Ce qu'ils peuvent penser me laisse indifférente. Oh. J'adore, j'adore cette reprise de French de Rec par Sarah H. Un Paso de la Luna, la version française, et on adore. Belle journée, si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, on vous souhaite un très très bon lundi. Pas facile, ça caille ce matin, moins 3 degrés, moins 2, mais le soleil va faire son apparition. Tous ces moments, la version Kizomba, Fabiane, Juan Maya. Tous ces moments qu'on a partagés, jamais je n'oublierai, ni renierai le passé. Remonter le temps quand on s'est aimé n'aurait pas de sens et n'aurait rien pu changer. Les souvenirs qui font renaître des sentiments. Tous ces moments qu'on a partagés, jamais je n'oublierai, ni renierai le passé. Remonter le temps quand on s'est aimé n'aurait pas de sens, il n'aurait rien pu changer. Il disait, il s'est assis. Tourner la page et tout effacer, je veux simplement te raisonner. Ça sert à rien de s'imaginer tous les deux et faire comme si on s'aimait. À quoi bon ressasser le passé, recommencer vers les mêmes erreurs, alors qu'il reste encore des rancœurs, c'est la triste réalité. Oh oui, oh, olvídame mi amor. Oh oui, oh, ya se sanó el dolor. Oh oui, oh, je te le dis encore que le passé est si fort que tous ces moments. Tous ces moments qu'on a passé ensemble, 8h37 en direct à la radio. Le soleil sera bien là aujourd'hui. Ça caille un peu, hein. C'est ce que dit Jean-Pierre qui vient d'arriver dans les studios. C'est vrai que ce matin, pousser le chauffage. Hein. La frise de Jules qu'on a bien, hein, par mon poteau Latin Connection, Rodrigo Ace. Chiquita, la son latine. Chiquita, chiquita, chiquita. Je suis pas fan, hein. Mais là, Rodriguez, Latina Mix, 8h39, Jean-Pierre qui arrive à 9h, le meilleur de la musique pour bien vous réveiller. Vous qui êtes au boulot déjà ou peut-être en vacances, profitez de ces bons moments avec Mark Ronson qui arrive sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée sous le soleil aujourd'hui, ça c'est promis, jusqu'à 13-14 degrés. Ça détend le matin, ça, c'est de la funky music un peu, hein. Ça fait penser un peu à Michael Jackson, Matt Ronson, Uptown Funky, Bruno Mars, Ronette là, c'est Funky dans la radio. Demain matin, ne ratez pas l'interview de Chris Anderson. Ah bah ça, tiens, Jean-Pierre, il connaît ça par cœur. Hein. Il kiffait les soirées, il a dû le passer plusieurs fois celui-là, à mon avis. Hein. Même vous, de l'autre côté de la radio, hein, les anniversaires, les mariages, les soirées, même en boîte, on le joue encore. Chris Anderson, 22 ans, qu'il a fait ce titre, Last Night. Ça passe, hein. Bah demain, il nous expliquera comment il a créé ce titre, pourquoi, avec qui, quel DJ, justement, DJ Roby, qui l'a remasterisé. Et bien demain, on aura les réponses de ce titre qui cartonne 22 ans après, imaginez-vous. Hein. C'est un truc de fou, quand même. Hein. Au téléphone depuis Paris, Chris Anderson ne ratait pas l'interview radio vers 8h moins le quart, 8h. Heureux d'être avec vous, c'est France Gall qui arrive. Un titre qui avait été écrit pour Daniel Balavoine en 1986, après malheureusement son décès sur le Paris-Dakar. Voici évidemment, et c'est France Gall. Y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière. Colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas. Debout, évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert? Partout, on garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change. Comme avant. Elle est belle cette chanson, hein. Ah ouais, magnifique. J'adore. 86, elle l'a écrit pour Balavoine quand il est parti dans le désert. Ah ouais. Salut Jean-Pierre. Salut Francky. Je te réveille pas. Non. Je te vois, t'as l'air concentré là. Ah ouais, non, c'est ça, c'est ça. T'as des messages. Fais gaffe, Facebook, aujourd'hui c'est la journée mondiale sans Facebook. Ah, j'étais pas sur Boubouk. Ah bon, bah non. Voilà. Non. Moi j'y suis depuis tout à l'heure, donc je peux pas dire que je participe. Bon, comment tu vas ce matin? Bah écoute, ça va, hein, un peu crevé, mais bon, on a la tête dans le huc. Alors là, quand il vient le matin, Francky, je vais vous le décrire un petit peu, il a la capuche, ouais. Les moufles, il est à deux doigts de mettre les moufles quand même. Non, j'ai le aux oreilles. Non, il fait pas, on est bien dans les studios, mais bon, j'aime bien, ça réchauffe la tête, hein. Ouais, ça me garde le cerveau au chaud. C'est surtout ça. Mais c'est vrai qu'ici, on est à la température ambiante. Non, c'est bon, c'est bon. Non, il fait bon, je sais pas combien il fait bon, hein. On est bien. J'ai monté un peu le chauffage. Donc ouais, j'entendais là, puis je voyais sur ta page Facebook la Chris Anderson. Moi demain. Ah ouais, non mais c'est un top ça. Baba ou. Ah ouais. Tout le monde en a bouffé ça dans les soirées hein. Et puis c'est au même titre que on en parlait hors antenne tous les deux de Patrick Hernandez. Le Born to Be Alive. Ouais, je veux dire voilà. Lui c'est plus récent mais bon. Oui. Ça fait 22 ans quand même. Il a 22 ans et tu le mets à l'heure actuelle même en boîte. Toujours ouais, partout. Ah ouais, ça part mais au cœur. Les mariages, tout ça, les baptêmes, les anniversaires. Exactement. Le Madison, ça. Hein ah ouais, non. Et puis la version après. Ouais, remixée, il y en a plein. Remixé, ouais. Ouais. Badman, il va nous expliquer tout ça. Hein, comment il a fait le succès de. Ça, à la base, c'est une reprise, hein, des années 60. Je sais plus quel titre, mais c'est une reprise. Et quand il l'a repris dans les années avant 2000, c'était en 99, je crois, donc ça passe. Et bien, il a fait fureur. Ah, il connaît du beau monde, le Franck. Il connaît du beau monde. Il est sympa, Chris. Bah, en fait, j'attendais la confirmation. Il m'a appelé hier soir. Hier soir, toi, un dimanche, il m'a appelé, il m'a dit ouais, c'est bon pour la radio, je peux le faire mardi. Voilà, donc je vais l'avoir demain. Donc demain, à quelle heure du coup, 8h moins de quart? Ouais, vers, 8h moins de quart, 8h, il m'a dit. Parce qu'après, il a deux, trois trucs à faire. Mais bon, ça va aller. Je pense qu'on va passer une belle matinée avec lui. Vous allez savoir le babaou. Pourquoi il a créé ce titre? Pourquoi et comment? C'est un truc de fou, quoi. Hein. Non, mais c'est normal. Encore ce week-end, je l'entendais dans un bar là où j'étais. Je l'entendais encore. Ouais. Non, mais ça reste indémodable. Ça reste. Toi aussi, toi, t'es animateur, tu le joues, ça? Ah oui. Ah, hein, oui. Mais t'es obligé, en fait, hein. T'es obligé, parce que si tu le mets pas, on te le demande. Ouais, donc, c'est obligé. T'as pas le Madison, là, le truc qui fait, maman où? Si, on l'a. Donc, non, mais c'est vrai que, et depuis 22 ans, ça reste toujours à la mode. Ouais. Et je pense que ça va le rester encore de nombreuses années. Et Chris Anderson, je l'ai rencontré en 2000, c'est pas si vieux que ça, hein. Je le connais depuis 2012, Chris Anderson, ouais. Ouais, je l'ai rencontré dans une soirée discothèque à Bordeaux. Et, on a bien sympathisé, on était devenus des amis. Après, il était venu dans d'autres radios. Et puis ensuite, il était venu en boîte, j'avais vu plein de fois. Et puis, depuis, on est restés des amis, quoi. Sympa, hein. Ah non, mais c'est bien, non, au contraire. Ouais, on va se marrer demain. Bon, toi, c'est parti, là, dans 10 minutes. Oui, c'est parti dans 10 minutes, les petites annonces, les dédicaces, voilà, quoi. Il y a tout ce qu'il faut avec Jean-Pierre. Voilà. Donc, si vous avez un truc à vendre. Bien sûr, même la belle-mère. Ah, la belle-mère, si vous voulez la vendre, vous en débarrassez, c'est le moment. 0238 43 48 00. Voilà, si vous voulez, ou le beau-père, ça marche aussi. Oui, ou on dit toujours la belle-mère, mais. Ouais, c'est vrai, on dit toujours la belle-mère. Oui, c'est vrai. Le beau-père aussi, hein. C'est le beau-père, il dit jamais rien, tu vois. C'est toujours calme, il est devant la cheminée, avec le journal, et il bronche pas, hein. Ça nous arrange. En tout cas, ne ratez pas l'émission. Vous l'appelez 0238 43 48 00. C'est le numéro du standard, si vous voulez joindre Jean-Pierre. Et puis aussi, si vous voulez écouter un titre favori, et ben on peut taper aussi. On peut taper pour plein de choses. Exactement. Et ben super. Voilà, on démarre dans moins de 10 minutes. Bien sûr. Et bien tout de suite, Jean-Pierre. Pas tout de suite. Allez, la corrida qui arrive et c'est Cabrel. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou. J'ai plongé vers le grand jour, j'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi. Ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie. Je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataremos otros. Otras vidas. Y otros toros. Y mataremos otros. Venga, venga, baila. Y mataremos otros. Baila, baila sur l'arc-en-ciel avec Francis Cabrel. Je vais vous retrouver demain à partir de 7h jusqu'à 9h. Rendez-vous avec Jean-Pierre tout de suite jusqu'à midi, l'heure du repas. Belle journée et sous le soleil. Vous allez faire bronzette au bord de la piscine. O baile da primavera é no sábado 12 de março às 21 horas. Vou beijar, vou dançar, até me cansar. O espetáculo Baila Portuguesa é na sala Multicion em Saint-Jean-le-Blanc com o grupo 25 de Abril e pela primeira vez em Orléans, Toy, numa organização Fun Melody Production. Põe a cerveja no congelador. E vai fazer amor, e vai fazer amor. Numerosos prémios a ganhar. A entrada é gratuita com menos de 12 anos. E para a reserva da sua mesa, ligue ao 06-6201-7687. Baile da Primavera é na sala Montição em Saint-Jean-le-Blanc, sábado 12 de março de 2022. A sua presença é bem-vinda. Põe a cerveja no congelador.